Chapitre 2. Les morts inexplicables. Une demi-heure plus tard, la jeune femme arrivait à un carrefour où six routes aboutissaient en face d'une église et d'une auberge isolée toutes deux et comme perdues dans les plaines crayeuses qu'elles dominaient. L'église était misérable. Un clocher délabré, une porte à ce point vermoulue que les fentes en étaient bouchées avec des planchers pourris provenant de vieux cercueils lors des exhumations, un cimetière sans une croix de pierre, enfin, derrière la sacristie, tout un pan de mur écroulé, relevé sans mortier et tenant par miracle, tout annonçait l'église de quelque paroisse éloignée de là et d'une pauvreté qui faisait naître de pénibles pensées. La voyageuse vit cela en partie et d'une façon assez fantastique, car, par la porte ouverte de l'auberge, le foyer projetait des lueurs rougeâtres sur l'église et sur le champ des morts, leur prêtant des reflets et des vacillements étranges. L'auberge était sinistre. Qu'on s'imagine quatre murs noircis par l'incendie sur lesquels, à la place de la toiture de tuiles effondrées, on avait placé un chaume en laissant subsister tout ce qui avait été épargné par le feu. Contraste qui avait quelque chose d'irritant. Les fenêtres étaient en partie démantelées et telles que les flammes les avaient laissées après avoir léché leur bois usé. Le fumier d'une chèvre lavait de son purin un trottoir de boue putride mal contenu par une bordure de planches soutenue de pieux branlants. Enfin, l'enseigne en fer blanc, pendue au bout d'une barre de fer, avait été calcinée et tordue par le feu. Elle restait ainsi à demi décrochée, n'indiquant plus rien et grinçant quand le vent l'agitait. L'écurie ouverte à tout vent laissait voir ses râteliers, couché comme un grand squelette le long du sol et des mangeoires qui avaient mieux résisté à l'incendie. Une chèvre maigre, d'aspect fatidique, dansait sur des débris carbonisés. Sa silhouette, dans ses bonds pour arracher sa corde, se dessinait parfois dans des poses extraordinaires. Tout sentait le vide, l'abandon, l'incurie dans cette auberge. On y flairait le drame de quelque fatalité pesant sur ce toit maudit. À coup sûr, un homme, même résolu, eût éprouvé un serrement de cœur à la vue de ce gîte qui sentait le coupe-gorge. L'étrangère n'hésita pas un instant. « Hola ! » cria-t-elle d'une voix claire et joyeuse. « Hola, quelqu'un ?» Des murs du cimetière voisin, une forme humaine rabougrie dégringola. C'était une sorte de nain qui paraissait livide, même sous la clarté pourpre du feu de sarment, dont les vitres tamisaient les rayons jusque sur sa face blafarde. Il tint la bride du cheval, ferma les yeux et refusa obstinément de parler. L'étrangère crut remarquer une écume sanglante au coin des lèvres de cette bizarre créature qu'elle jugea idiote. La jeune femme descendit de voiture, laissant la bête aux soins du nain. En ce moment, parut dans l'encadrement de la porte une femme à l'aspect triste et résigné. C'était une paysanne champenoise, longue, sèche, osseuse, plate, avec une de ses têtes inintelligentes de brebis, respirant tantôt la quiétude niaise, tantôt l'effarement stupide, toujours l'entêtement immuable et une répulsion insurmontable pour le travail de la pensée. Cette femme était là, plantée sur ses jambes, imbécile d'étonnement, regardant de ses yeux caves cette voiture, cette étrangère, cette inattendue enfin qui lui survenait. Décharnée par les privations et le chagrin, les lèvres blanches plissées sur les gencives et rentrées, le menton pointu allongé démesurément vers le sol, le front étroit et les oreilles tombantes, cette malheureuse n'avait rien de vivant dans la face, pas même le regard éteint d'une prunelle, dont le bleu s'effaçait comme celui de certains coutils usés par les lessives. Elle portait le deuil, un de ces deuils minables, prolongés outre mesure, parce qu'on ne peut le remplacer par d'autres vêtements, un deuil dont les pièces semblaient cousues de blanc, parce que les fils des coutures ont déteint sous l'usure. Outre une maladie chronique, née de la faim et des longs désespoirs de l'étiolement, cette femme devait avoir un chagrin constant, à cause aiguë et persistante, qui la tuait au jour le jour, et il fallait toute la force d'inertie de cette créature champenoise pour y avoir résisté si longtemps. L'étrangère fut frappée par cette apparition. De la femme au nain, elle porta son regard pour établir, par supposition, les rapports existants entre ces deux êtres. Elle ne trouva pas un seul point de contact par lequel ces deux natures pussent se tenir. Leur réunion resta pour elle une énigme, mais elle saisit, dirigée sur elle, un coup d'œil du nain sous lequel elle tressaillit. Si rapide qu'était la sensation éprouvée, elle n'en fut pas moins vive. L'œil de cette étrange créature avait d'indéfinissables lueurs, qui s'échappait en étincelles magnétiques et que l'on sentait pénétrer en soi par jets acérés. Ce fut un éclair instantané, mais qui illumina d'une manière bizarre la figure inexplicable et mystérieuse de cet avorton, figure qui semblait morte quand les paupières se tenaient closes. L'étrangère ne s'arrêta pas longtemps à cette impression. Familiarisée avec les incidents de voyage, elle avait l'allure vive et dégagée des gens qui ont dû souvent, dans les embarras de la route, se suffire à eux-mêmes, se contenter de peu et faire flèche de tout bois. Elle entra dans la maison et, sans s'arrêter à de longues questions, elle dit à l'aubergiste « Ma brave femme, faites-moi dîner, je vous prie, je meurs de faim et de soif. » La champenoise rumina longuement sa réponse et finit par dire d'un ton traînant et nasillard « Madame, ce n'est pas ici une auberge pour du monde comme vous. Nous sommes si pauvres que nous n'avons rien. » L'étrangère sourit. « Est-ce que vous ne mangez pas, ma bonne femme ? » dit-elle. « Si fait, madame, » dit la paysanne au comble de l'étonnement. « Eh bien, je mangerai comme vous. Ah, pauvre dame, nous n'avons que de la potée, et peut-être bien une omelette, parce que j'ai des œufs pour les rouliers, qui cassent une croûte par hasard. Mais, ma bonne femme, c'est un régal que vous m'offrez. Une omelette est l'idéal d'un voyageur affamé. Qu'est-ce que la potée ? Une soupe au lard avec des légumes. Cela peut être délicieux. Servez-moi le plus tôt possible. » « Ainsi, dit la champenoise, vous souperez ici ?» La paysanne n'en revenait pas. L'étrangère, étonnée de cette insistance à refuser le client, se souvint de l'apparition des deux individus qu'elle avait rencontrés sur son chemin. Elle conçut quelques soupçons. Elle jugea que cette face de brebis ne pouvait cacher la ruse, et elle se sentit de force à fouiller les replis et les plus secrets de cette conscience. « Ah ça ! » demanda-t-elle brusquement. « Êtes-vous seul ici ?» Elle toisa l'aubergiste de façon à la faire plier sous son regard. La paysanne parut intimidée, mais non troublée par la question. « Madame, je n'ai avec moi que cet idiot. Et personne d'autre ? Non, madame. J'ai été attaquée par deux hommes, » dit vivement l'étrangère. « Bien sûr, » fit la paysanne. « C'étaient ces deux mauvais gueux qui ont passé par ici il y a tantôt 3 heures. Ils avaient des têtes qui ne me revenaient pas. Et quand ils m'ont demandé à boire, je leur ai dit qu'il n'y avait rien dans la maison. Ces gens-là ne m'auraient pas payé. » La satisfaction qui se manifesta chez la paysanne était trop sincère et empreinte d'une réalité trop franche pour admettre qu'elle la simula. Après avoir pensé à elle d'abord et à la perte qu'elle avait évitée, elle songea au danger couru par la voyageuse. « Et ils vous ont arrêté, c'est scélérat-là, » dit-elle. « Aussi, c'est bien imprudent, à vous, d'aller seule comme ça. » La jeune femme venait d'acquérir la certitude que l'aubergiste n'avait pas joué la comédie. Elle ne poussa pas plus loin l'interrogatoire et dit d'un ton sarcastique « J'ai ma bonne de compagnon de route qui ne baline pas. » Puis, sans s'expliquer davantage, « Allons, ma brave femme, à l'ouvrage, je me sens une faim canine. Mais, madame, ces mauvais gars, laissons-les pour ce qu'ils valent. Pensez-vous qu'ils viennent ici pour recommencer le coup qu'ils ont manqué ? Oh, madame, je ne crois pas ça, car ce n'est pas l'habitude de ces rôdeurs-là de revenir sur leurs pas. C'est trop feignant, et pas assez hardi pour attaquer les gens sur leur garde. Ils ont dû se sauver, de peur qu'ayant déclaré la chose aux gendarmes, n'ayez mis les grands chapeaux à leurs trousses. Ce n'est pas du monde du pays, et ça ne connaît pas les chemins, puisqu'ils m'ont demandé où il fallait prendre pour aller vers Ciret le château. Bon, bon, fit l'étrangère, servez-moi mon dîner, ma bonne. » La champenoise s'était habituée à l'idée que la voyageuse dînerait, et comme il arrive toujours, après avoir cru à l'impossibilité d'improviser un repas, elle trouva des ressources auxquelles elle n'avait point pensé. « Madame, j'ai de la saucisse de mon porc. En voulez-vous des tranches grillées avec du vinaigre et de l'échalote ?»« Oui, certes, » dit la jeune femme. « J'ai aussi des pommes et je pourrais faire des beignets au sein doux. Comme dessert, je vous donnerai de la crème et du fromage blanc au sucre. » « Mais, ma bonne, c'est un dîner dont Sardanapale serait jaloux que vous allez me préparer. Seulement hâtez-vous. À propos, avez-vous du vin ?»« Oui, madame, mais pas très bon. Seulement, il y a des personnes qui l'aiment, parce qu'il pétille et pique la langue. Un champagne rouge, alors ?»« Oui, madame, on verra cela. » La voyageuse se chauffa devant l'âtre, pendant que la champenoise faisait ses préparatifs avec une désolante lenteur. L'étrangère s'isola du milieu où elle se trouvait en s'abîmant dans des réflexions profondes. Le foyer l'éclairait et faisait ressortir sa prestigieuse beauté. La taille élevée, souple et gracieuse, les mains très fines et les pieds petits, étroits, cambrés, signaient en quelque sorte l'origine aristocratique de cette jeune femme. Le col un peu long avait une grâce ondulante, les épaules un peu grêles, mais d'un dessin exquis, portait une tête dominatrice qui rappelait le profil de l'aigle et sa royale majesté. Le front puissant fuyait sous les cheveux blonds, mordorés, d'un grand éclat. L'œil était vert et profond comme l'océan, dont il avait la nuance et les transparents reflets. Il restait en quelque sorte insondable, et il gardait, sous l'investigation du regard le plus scrutateur, une redoutable sérénité. Le nez mince et d'une courbe très noble avait des narines roses d'une mobilité extrême, indice d'un courage prompt à l'exaltation. La bouche était petite, avec des lèvres frémissantes et dédaigneuses. Elle s'accusait aux commissures en un pli qui s'accentuait facilement et se prolongeait sur la joue, dénotant alors une puissance de haine qui devait aller jusqu'à la cruauté. Les dents blanches, petites, séparées et affilées, accusaient encore ce penchant en colère sanglante, et le menton, quoique terminant bien l'ovale parfait de cette figure régulière, laissait pressentir les instincts de ruse et de perfidie particuliers aux races félines. Tout cet ensemble était adouci, voilé en quelque sorte, par la séduction des manières et du sourire, mais parfois cette physionomie se transformait et devenait terrible d'aspect. Animé par la fureur, ses traits se contractaient, et il se produisait alors un phénomène de dilatabilité que l'on pourrait comparer pour la puissance avec celui qui étonne dans la vipère. Celle-ci, au repos avec sa petite tête fine, semble incapable, en apparence, d'une morsure sérieuse. À la moindre irritation, le cou se gonfle, ses mâchoires distendues ouvrent une gueule démesurée, armée de crochets menaçants. L'œil, effrayant, semble s'agrandir démesurément de tout le cercle de son rayonnement. Nul être au monde n'apparaît plus féroce. Un bouleversement si complet altérait par instant la figure impatiente de cette patricienne, et il s'accusa deux fois pendant qu'elle semblait perdue au milieu de ses méditations. Avec l'incroyable force de volonté, d'énergie et d'audace qui était en elle, avec sa beauté splendide, cette jeune femme devait exercer autour d'elle une domination irrésistible et soulever des passions furieuses sur ses pas. Sa vie du reste avait certainement été accidentée. Quelle qu'elle soit, une femme ne se déshabitue pas d'un seul coup et aussi complètement des timidités de son sexe. Pourtant, rien de choquant dans ces hardiesses empreintes de charme et de distinction, mais rien de tendre, de naïf, de féminin en elle. De son carnet de voyage, elle tira une lettre très longue, de 12 pages au moins, d'une fine écriture. Elle en lut certains passages, entre autres celui-ci. C'est donc une affaire de 100 millions, sûre, dont la réussite ne demande que la moitié, le quart peut-être, des capitaux dont tu disposes. L'héritage est authentique, et seul je connais nos co-héritiers qui ignorent tous l'immense fortune qui dort en les attendant. Sans doute il y a une hécatombe humaine à faire. Elle jeta tout à coup la lettre au feu en songeant qu'elle avait trop tardé à l'anéantir, puis elle se remit à rêver. Elle était en ce moment en pleine lumière. Le nain la contemplait avec une fixité, une intensité de projection magnétique qui annonçait une faculté de fascination éclatante. L'œil a des influences mal définies, mal observées et cependant indiscutables. Ceux qui nient ce pouvoir du regard sont des sceptiques étourdis qui n'ont jamais réfléchi que, 1000 fois en leur vie, ils ont baissé les paupières sous l'éclat de certaines prunelles. Il n'est personne qui n'ait rencontré de ces individus exceptionnels que l'on ne peut pas plus regarder en face que le soleil. L'œil est une lumière, et toute lumière éblouit. Lorsque le foyer a un grand éclat, on ne peut en supporter l'irradiation. Mais en dehors de ces preuves que chacun peut vérifier, il en est que la science fournit et qui sont irrécusables. Le serpent a ce don, 100 fois constaté, de fasciner sa proie, et le fait, longtemps traité de fable, d'oiseau attiré par la seule force de l'œil, est aujourd'hui une vérité d'histoire naturelle que l'on ne discute plus. Les dompteurs, malgré d'autres moyens, ont toujours comme arme suprême, comme ressource qui reste quand tout manque, le regard qui domine le fauve. Nous insistons sur ce point, car quiconque eût observé ce qui se passait aurait deviné à la splendeur fulgurante de la prunelle du nain qu'une convoitise ardente, un délire de possession insatiable, s'était emparé de lui. Il était effrayant à voir. La tête, trop grosse pour le corps chétif, avait un front déprimé qui fuyait sous les cheveux avec des courbures, des sinuosités, des saillies, annonçant le développement incroyable de certaines facultés. Au-dessus des oreilles, notamment, les bosses de la destruction et de la cruauté semblaient des loupes monstrueuses. Les sourcils clairs, mais très largement serrés, la barbe rare, répandue çà et là, rendaient cette face glabre, velue comme celle d'un animal, mais pelée par places. Alors, la peau apparaissait terne, molle, ayant une lividité flasque. La bouche était fendue en museau de rat. Le nez pointu venait se courber sur la lèvre. Les mâchoires semblaient mues par des muscles d'une force considérable, et les dents acérées, blanches, incisives, se découvraient tout à coup sous un rictus des lèvres frémissantes, minces, et marquant une ligne d'un rouge sanglant sur ce visage blafard. Les oreilles, plantées haut, arrivaient au sommet du crâne. Elles étaient assez velues pour être terminées par un petit bouquet de poils apparent, ce qui donnait à cette tête un accompagnement singulier. Le cou, très enfoncé, étaient décharnées. Quant aux épaules, minces, elles avaient comme celles des bossus cette particularité qu'elles rentraient sous la poitrine et faisaient saillie en hauteur de façon telle que la tête s'enfouissait dans un creux. La blouse d'étoupe avait pris des teintes d'amadou très foncées et elle descendait en formant de grands replis depuis les pointes des épaules jusqu'à l'extrémité des bras démesurés. Le nain était accroupi. Les mains grêles à poings fermés reposaient sur le sol battu. Le pouce seul apparaissait long, puissant, crochu, armé d'un ongle formidable, si bien qu'arrivant ainsi au bout du pli de blouse tombant en forme d'aile, on eût dit cette griffe à crochet qui termine l'aile des chauves-souris dont cet être présentait en ce moment l'aspect grandi et fantastiquement humain. Il se leva pour obéir à un signe de sa maîtresse. À la façon dont il développa la blouse et les bras, on eût dit qu'il allait prendre son vol vers la nuit, quand il se tourna du côté de la porte. « Qu'est-ce donc ce garçon qui s'en va ?» demanda la jeune femme. « Madame, » fit la paysanne avec un soupir, « c'est un idiot que feu mon mari avait recueilli. Le malheureux est un enfant perdu d'une pauvre fille folle. Sa mère était folle aussi, et aussi les grands-mères, comme ça d'aussi loin que les plus vieux de nos pays peuvent se souvenir. Ça vivait comme des êtres sauvages sans connaître rien de rien, cherchant sa vie comme les bêtes. On les appelait de mère en fille les souliottes. Elle mangeait de tout, cuit ou cru, des choses dont les chiens n'auraient pas voulu. Ça s'habillait de nippes qu'on leur donnait pour qu'elles n'aillent pas toutes nues. Et ces souliottes trouvaient des maris. Faites excuse, madame. Des fois, ces malheureuses rencontraient dans les bois des échappées de Clairvaux, la prison centrale qui n'est pas loin. Ces hommes-là ne regardent à rien. Quant au Basquir, qu'on appelle comme ça à cause de son père, il est venu au monde pendant l'invasion. Mon homme m'a raconté que la souliotte était devenue amoureuse d'un de ces Russes que l'on appelait Basquir et qui avait des poils de bête et des yeux relevés comme les Chinois. Il paraît que c'était un monstre fini. Et vous avez élevé l'enfant ? Oui, madame. La souliotte, sa mère, avait rendu un grand service à mon mari. 100 fois, elle avait empêché la maison d'être brûlée par les Cosaques qui ont mis les villages à feu et à sang. Pour lors, mon mari a toujours été reconnaissant et m'a recommandé de ne jamais abandonner l'idiot. Il n'est pas du reste tout à fait sans connaissance, ce pauvre gars. Il se rend utile à soigner les chevaux avec qui il s'entend très bien, même que les rouliers qui en ont de très rédifs affairés l'emmènent à une lieue d'ici où il y a un maréchal ferrant. Mon Basquir n'a qu'à regarder la bête pour la faire rester tranquille sans qu'on la lie au travail. On lui donne la pièce pour ça et il me rapporte tous ses pourboires. Il est aussi fossoyeur et se lui vaut 4 francs 6 sous chaque fois qu'il meurt une personne. Mais les hameaux sont si petits qu'il n'y a pas souvent d'enterrement. C'est donc une paroisse ici. Madame, c'est une église pour une dizaine de fermes et de hameaux. Et le curé? Il ne pourrait pas vivre ici, à 3 lieues du village le plus rapproché. Il ne trouverait pas d'approvisionnement. Tous les dimanches, on l'amène ici en voiture pour dire la messe. Et vous restez seul avec cet avorton? Oui, chère dame, bien seul. Elle poussa un gros soupir et reprit. Heureusement qu'il passe des rouliers et que, hiver comme été, ces hommes-là ont soif, ça boit du vin quand il fait chaud et de la goutte dans la froidure. Si je n'avais plus ça, il faudrait mendier. Vous avez été incendié ? Oui, madame, mais je n'ai pas eu que ce malheur-là. Elle eut un regard désolé et sembla prête à raconter ses infortunes. Il y avait peut-être en elle une arrière-pensée d'espoir dans cette jeune et jolie femme qui paraissait riche. Mais l'étrangère ne parut pas désireuse de continuer l'entretien et se montra entièrement indifférente. Soit que des pérégrinations nombreuses et semées d'incidents eussent blasé cette jeune femme, soit dureté de cœur naturel, elle n'eut pas un mot de pitié ou d'encouragement. Le dîner était prêt. La paysanne avait étendu sur la table un torchon blanchi aux cendres, de la lessive sans savon, et par conséquent jaunâtre. Il sentait légèrement l'humidité comme d'ordinaire le linge des gens de campagne. La serviette était semblable au napperon. Le verre était boiteux et couleur de bouteille. Mais les assiettes étaient de vieille faïence lorraine et avaient quelque valeur, ce dont la paysanne ne se doutait pas. L'étrangère demanda négligemment à l'aubergiste « Avez-vous beaucoup d'assiettes comme celle-ci, brave femme ?»« 7, madame. C'était sauvé par miracle de l'incendie. Y tenez-vous ?»« Non, madame. Vous les emballerez avec la soupière et le saladier que j'aperçois là-bas. Vous les placerez dans ma voiture. Je vous donne un louis du tout. » Et comme la champenoise et Bobby demeuraient bouche béante, croyant que c'était une façon délicate de faire l'aumône, la jeune femme jeta une pièce d'or sur la table. En ce moment, le nain rentrait. Il entendit sonner la pièce et la vit reluire à la clarté de la chandelle. Il poussa tout à coup un cri strident, qui tenait plus du sifflement que du rugissement, mais dans lequel se confondaient ces deux modes d'émission du son. La figure de la jeune femme se crispa, et il dit avec colère « Faites donc taire cette brute !» La paysanne menaça le nain qui courut se cacher derrière la huche. « Voyez-vous, madame, dit la champenoise, ce malheureux-là ne peut voir de l'or sans pousser des appels de vipère. C'est singulier que l'argent ne lui fasse pas le même effet. Est-ce qu'il sait ce que vaut un louis par rapport aux pièces de 20 sous? Je ne pourrais pas vous dire, il n'a jamais eu d'or en main. » La jeune femme tira une seconde pièce de sa bourse et appela le nain. Celui-ci vint par une marche oblique se placer derrière la chaise de la voyageuse qui tendait toujours le louis et cherchait du regard où pouvait être l'avorton. Quand celui-ci saisit les doigts de la jeune femme et en arracha la pièce. Ce contact fut extrêmement désagréable pour l'étrangère qui crut avoir touché la peau visqueuse d'un crapaud. « Oh, le laid animal » dit-elle avec dégoût. « Il me fait l'effet d'un reptile. » Mais le nain, maître de l'or, s'enfuit en faisant des bonds prodigieux et se sauva dehors à travers les champs. « C'est un louis de perdu, » fit la champenoise avec un soupir. « Il va probablement enterrer ça je ne sais où. » En guettant le nain quand il ira regarder la pièce et la flairer, vous connaîtrez l'endroit où elle est, » fit la voyageuse. « Vous croyez, madame, qu'il déterrera le louis un de ces jours ? S'il a l'instinct d'enfouir ce à quoi il tient, c'est pour le conserver et en jouir à la dérobée. » « Mais vous comprenez que je ne réponds de rien, ma brave femme, » fit en riant l'étrangère. « Voulez-vous servir ?» La champenoise mit tous les mets à la fois sur la table. « Madame choisira, » dit-elle. L'étrangère essaya de la poter qu'elle trouva plus supportable qu'elle ne l'aurait imaginé. Le lard n'était pas rance par bonheur, et la saucisse était bien fumée. Quant au vin, il avait ce pétillement gazeux qui est une nouveauté pour ceux qui ne sont pas du pays, et parut agréable à la jeune femme. Elle mourait de faim et de soif. Sans doute, elle venait d'assez loin, car elle semblait extrêmement fatiguée, et la lassitude l'accabla plus encore après ce repas. Elle tira d'un petit sac à main qu'elle avait apporté un porte-cigare, l'ouvrit, et à la grande stupéfaction de la paysanne, elle se mit à fumer en allongeant ses pieds vers le feu et en s'installant aussi commodément que possible. « Dites-moi, fit-elle, je sens que je ne puis me remettre en route. Suis-je encore loin de Troyes ? À 6 lieues, madame. » C'est par ce temps-ci au moins 3 heures de voiture avec mon cheval éreinté, et une nuit aussi noire. Je coucherai ici. L'on m'attend demain, à 2 heures, à 3. J'aurai le temps d'y arriver, en partant dans la matinée. Au mot « je coucherai ici », la paysanne avait fait un soubresaut. « Madame, vous ne pouvez pas passer la nuit dans cette maison. » « Je comprends, » fit l'étrangère, « vous n'avez pas de lit à m'offrir. » « Je vous demande pardon, madame, j'en ai bien un bon. » Le seul avec le mien, qui était sauvé du feu, mais vous ne pouvez pas rester ici cette nuit. » L'étrangère ne se déconcerta pas et ne s'étonna même pas autant qu'on aurait pu s'y attendre. Après cette déclaration, elle dévisagea en silence et froidement la paysanne. Décidément, l'étrangère était une femme de résolution et d'énergie. Plus d'un homme à sa place eût pâli en cette circonstance. Quand, dans un bouge isolé, une femme qui le tient vient vous conseiller de ne pas y dormir, on sait ce que cela veut dire. L'étrangère, sans l'ombre d'une émotion, questionna la champenoise. « Pouvez-vous me dire le vrai motif de votre refus ? Soyez franche. Je pars et ne vous reverrai plus jamais. Du reste, je n'ai aucun intérêt à trahir vos secrets. Je viens de si loin et je suis si insoucieuse de la société que peu m'importe si vous recevez ici des voleurs. Ce n'est pas moi qui les dénoncerai. » « Jésus-Dieu ! » s'écria la paysanne en levant les mains au ciel. « Des voleurs !» Elle protestait avec un accent si vrai qu'il n'y avait pas à douter. Elle reprit, avec une certaine animation, « Je suis honnête, madame. Pour 1000 écus, je ne ferai pas une mauvaise chose. Mais alors, pourquoi me refuser asile chez vous cette nuit ?» La paysanne regarda autour d'elle, baissa les yeux et la voix, et dit avec terreur, « La maison a un sort !» L'étrangère se mit à rire bruyamment. « Ah, la bonne histoire ! Et qu'il me fait plaisir de l'entendre ! Si cette folle de Ninette était seulement ici, nous en aurions à rire jusqu'à demain matin. Je regrette de ne pas l'avoir emmenée dans mon excursion. Ah, la brave femme, il y a un sort sur la maison. Je veux vous la désensorceler, moi. Voyons, contez-moi cette bonne histoire d'Almana. » La champenoise se leva tremblante et dit avec une conviction craintive, « Madame, ne riez pas comme ça pour l'amour de Dieu. C'est d'avoir ri que les 7 cadavres qui sont au cimetière sont morts par l'effet du soutrait. » Le soutrait, qu'entendez-vous par là? Expliquez-moi ce soutrait. Madame, sur votre respect, c'est l'esprit malfaisant qui hante ma maison et qui tue les voyageurs. Allons donc, 7 morts pourtant, madame, 7, ce n'est pas chose à se moquer. Et les dents de l'aubergiste claquaient. Le dernier, reprit-elle en se signant, ça a été mon mari. De grosses larmes coulèrent de ses joues et roulèrent le long de sa vieille robe noire usée. Elle essuya ses yeux du revers de sa main calleuse et reprit. « Tout le pays d'alentour, c'est ça, et aussi ceux de Troyes. Les rouliers couchaient souvent ici dans le temps. La maison était bonne, mais maintenant, vous n'en feriez pas demeurer un la nuit noire pour son chariot chargé d'or. » Ils savent bien ce que ça a coûté à leurs camarades, les bravades. L'étrangère ne croyait pas du tout à l'existence du soutrait, mais l'authenticité de morts nombreuses ayant eu lieu dans l'auberge lui paraissait chose très curieuse, et elle prenait intérêt à l'histoire. « Enfin, dit-elle, il y a eu ici une succession d'accidents. Madame, je vous ai dit 7 morts, mon défunt fut le dernier. Mais je suppose que ces morts ont été expliquées et qu'il n'y a pas apparence qu'il y a eu des assassinats. Sur la demande de mon mari, à la 3e affaire, la justice est venue avec un fort médecin de 3. Et le résultat? J'ai voulu parler du soutrait auquel je commençais à croire. On vous a ri au nez? Oui, madame. C'est fort naturel, mais qu'a déclaré le médecin? Que l'homme avait eu une attaque d'apoplexie dans la nuit. A-t-on fait l'autopsie? Qu'est-ce que c'est que ça, madame? Je ne comprends pas. A-t-on ouvert le cadavre? Non, madame, pas celui-là. Mais au 5e, on a emporté le corps et l'ont travaillé entre médecins. Eh bien, madame, toujours ils ont répondu la même chose, pour celui-là comme pour les autres, pas de coups, pas de blessures, pas de poison, pas d'assassinat. Du reste, madame, on ne volait pas l'argent et l'on nous savait honnête. Pour tous les 7, on a dit que c'était des morts naturelles. Je suppose que les docteurs donnaient les noms des maladies. Tantôt c'était le cœur, tantôt c'était la tête, tantôt les poumons. Vous voyez bien. Pardon, madame. Il faut vous dire qu'il y avait à 3 un étudiant venu de Paris où il était dans un grand hôpital, car c'était un jeune homme très savant. Pour lors, quand le 6e est mort, il assistait à l'autopsie comme vous dites. Elle estropia le mot. Ah ah, fit l'étrangère, qui commence à s'intéresser vivement au récit. Voilà une complication qui promet. Qu'a fait ce jeune homme? Il est venu ici et il a dit à mon mari en particulier. La championne s'interrompit et sembla prendre des êtres absents témoins, puis elle murmura tout bas. Ce que je vous conte, madame, c'est la pure vérité. Et je me souviens des paroles de cet étudiant-là, qui avait une figure avenante et l'air de s'y connaître. Allez, voyons, qu'a-t-il dit? Il a pris mon mari à part et lui a dit. Ces morts-là sont extraordinaires. Je crois être sur la piste de quelque chose de mystérieux et de terrible. » La champenoise regarda la voyageuse et répéta. « Il a dit mystérieux et terrible. » « Ensuite, » fit l'étrangère, « ensuite, madame, il nous a déclaré que les médecins de Troyes étaient bons pour soigner les maladies ordinaires, mais qu'ils ne connaissaient rien à certaines choses et qu'alors, plutôt que d'avoir l'air d'être ignorant, il déclarait une fluxion de poitrine ou une attaque pour nos rouliers. Quand c'était un mal inconnu qui les tuait. Lui avez-vous parlé du soutrait? Oui, madame. Et il en a ri? Non, madame. Alors c'était un sot. Ne dites pas cela, madame, car mon mari s'est informé. Le jeune homme était un savant, un vrai savant. Qui vous l'a dit? Les médecins de Troyes l'avouaient. Et il croyait au soutrait. À preuve, madame, qu'il m'a dit d'un air qui m'a fait peur. S'il y a un soutrait, ce n'est pas un esprit. Il a cher Rios, et je serais heureux de le tenir sous mon canif à découper les morts. Moi, madame, je dis canif, mais lui se servait d'un autre mot. Scalpel, probablement. Madame, c'est bien ça. Je m'en souviens parce que ça sonnait comme chapelet. Il croyait donc à un assassinat. Il ne s'est pas expliqué plus que ça, mais il nous a bien recommandé de lui écrire de suite, s'il arrivait encore un accident. Il devait venir aussitôt avec son professeur pour voir enfin ce que tout ça voulait dire et tirer la chose au clair. Les autres, là-bas, à Troyes, avaient déjà trop abîmé le cadavre pour pouvoir lui passer une visite à son idée. Et quand votre mari est mort, vous avez écrit sans doute à cet étudiant ? Oui, madame. Mais le jeune homme avait péri dans le choléra. Cependant, moi, madame, j'ai examiné le corps de mon défunt pendant les 4 jours qu'a duré l'attente pour la réponse de ma lettre au jeune homme. Avez-vous remarqué quelque chose de particulier ? Oui, madame. Mais la paysanne, en ce moment, fut suffoquée par un sanglot. Elle s'arrêta et pleura silencieusement ses souvenirs. La voyageuse s'impatientait. Elle était très vivement intéressée par l'histoire. Mais elle n'avait pas l'ombre de pitié pour la pauvre femme. Elle la regardait durement et semblait se dire « Aura-t-elle bientôt fini de geindre ?» Comme l'or semblait ne rien lui coûter, elle tira un louis de sa bourse et, le tendant à la champenoise, lui dit « Remettez-vous, ma brave femme, et prenez ça pour vous consoler. »« Ah, madame, » fit la champenoise, « ce n'est pas 1000 pièces comme ça qui m'enlèveraient ce que j'ai sur le cœur. » Mais qui connaît le paysan sait que, même chez les meilleurs, l'or exerce une puissance absolue, irrésistible. La champenoise serra la pièce dans sa poche, garda sa main gauche dessus, cessa de pleurer et d'une voix raffermie reprit son dramatique récit. « Madame, j'en étais à vous dire que le corps avait une marque. »« Où cela ?»« Ici, » fit-elle. Elle montrait sa tempe. Elle reprit. « C'était une piqûre d'épingle. Presque rien, à peine si ça se voyait. »« L'avez-vous montré au médecin ?»« Pensez que oui. » »« Cela ne leur a pas paru important ?»« Madame, il y avait un malheur que je vais vous dire. Pour l'or, mon mari, voyant que personne ne couchait plus à la maison et que tout s'en est à la bolo, le pauvre cher homme se livra à l'eau-de-vie. Quand il en avait avalé son sou, il entrait dans des rages contre le soutrait. Il voulait le prendre et le tuer. Un soir, il était plus mauvais encore que d'habitude. Il me dit qu'il allait coucher dans la chambre des morts, on l'appelait comme ça depuis les accidents. Il criait que cette nuit-là, il ferait l'affaire au soutrait. Il s'en alla par la campagne, comme c'était son habitude, et je l'entendais qui battait les champs et qui jurait. Je m'endormis, comme je finissais toujours par faire, bien désolé, vous pensez, de la tournure de nos affaires. Au matin, je me lève. Mon homme n'était pas là. À 10 heures, personne. Alors, il me vient une sueur froide, parce que je pensais à la chambre des morts, et je me dis que cette fois-là, mon homme avait peut-être voulu y aller attendre le soutrait et se battre avec lui. Et cela était arrivé ? Oui, madame. Mon homme était couché tout habillé, sans gourde à la main. Il n'était pas du tout défiguré. Il n'y avait pas une goutte de sang sur l'oreiller ? Pas une goutte. Mais il y avait la petite piqûre à la tempe. Par malheur, les médecins ont prétendu que mon mari, ayant l'habitude de l'eau de vie, cela l'avait affaibli, et qu'il était mort glacé pour avoir trop bu. Et depuis, madame, personne n'a plus couché là-haut, mais le soutrait s'est rejeté sur autre chose. Toutes les volailles que j'ai voulu élever, il les a saignées au cou. « Ma chère femme, c'est la fouine, la belette qui vous les étrangle. » La champenoise secoua la tête d'un air incrédule. « Madame, nous sommes des gens de campagne, nous autres, et nous connaissons ces bêtes-là. Les fouines mordent d'une certaine façon, et les volailles qui sont enfermées dans des cages pour engraisser n'ont rien à craindre de ces animaux-là, qui sont trop gros pour entrer à travers les barreaux. Croyez-moi, ce n'était pas la fouine. Et votre chèvre, et votre porc, et vous-même, pourquoi le soutrait vous épargnerait-il ? J'ai pensé à ça. Le porc et la chèvre sont de grosses bêtes qui sont malignes en diable, ça se défend. Pour ce qui est de moi, je pense que le soutrait a l'instinct que, moi morte, il n'y aura plus personne ici et qu'il espère toujours de mon vivant que quelqu'un voudra par vantardise coucher là-haut. La jeune femme jeta au plafond noirci une bouffée de cigare et dit « Cette nuit, nous saurons à quoi nous en tenir sur le soutrait. Vous resterez ?»« Oui, bonne femme. » Et avec un regard et un geste d'autorité sans réplique, elle ordonna « Allez préparer la chambre !» La paysanne n'osa pas insister, tant l'étrangère lui imposait. Elle obéit, mais avec désespoir. « Encore un malheur » fit-elle. Quand elle fut seule, la jeune femme sortit de son sac de voyage de pistolets à 2 coups qui étaient chargés. Elle en visita les amorces. « Je fais peut-être une folie, » dit-elle en riant. « Celle-ci s'ajoutera à tant d'autres. » « Il faut que j'aie le cœur net de cette affaire, et je ne me pardonnerai jamais d'avoir manqué une pareille aventure. Ma curiosité, si je ne la satisfaisais pas, me tuerait comme un remords. » Puis elle murmura. La conviction de cette paysanne devrait me donner à réfléchir. Mais c'était une femme d'une audace que le danger tentait irrésistiblement, et elle dit en riant « Je vais bien faire rire, Ninette, avec l'histoire du sous-trait. » La paysanne revint portant en vieux registre des plumes et de l'encre. La plume était arrachée à l'aile d'une oie et taillée au couteau. L'encre était si pâle qu'on voyait bien qu'elle était faite avec de l'eau et le fond de l'encrier délayé. « Puisque vous ne voulez pas partir, dit l'aubergiste avec un soupir, écrivez votre nom, votre profession, le lieu d'où vous venez et celui où vous allez. Il faut que je s'en règle pour la descente de justice quand vous serez morte. » La jeune femme haussa les épaules et inscrivit sur le livre « Laura Vinceska, comtesse de Birnhorf, veuve, 24 ans, venant de Moscou et allant à Paris. » Quand elle eut terminé, elle dit à l'aubergiste avec un rire plein de bravoure « Votre sous-trait a pu tuer des rouliers, mais il n'osera pas s'attaquer à une reine de théâtre, doublée d'une comtesse pour de vrai. » La paysanne ouvra de grands yeux, elle ne comprit pas bien. « Madame, dit-elle avec timidité, si c'était un effet de votre bonté, je vous prierai de faire sur le livre une déclaration signée. Quelle déclaration ? Que vous êtes restée ici malgré tout ce que je vous ai dit. » La jeune femme reprit la plume d'un air railleur et écrivit « Je déclare que c'est après avoir entendu conter l'histoire des sept morts et du sous-trait que j'ai voulu coucher dans cette auberge malgré l'avis de l'hôtesse, Laura Vinceska, comtesse de Birnhorf. Êtes-vous contente ? Demanda-t-elle. « Madame, j'ai bien du chagrin. Pour les louis que vous m'avez donnés, j'aimerais mieux que vous partiez, » fit la champenoise. « Ma chère femme, demain vous m'apporterez au lit vers 8 heures une tasse de café à la crème et vous serez bien contente en me voyant réveillée et en bonne santé. Vous publierez la nouvelle dans le pays et à 3, j'en dirai quelques mots. Votre clientèle vous reviendra et même vous aurez des visites d'anglais qui voudront voir la chambre des morts où Laura Vinceska aura rompu le charme des sous-traits. Je ferai faire à Paris quelques bruits de cette histoire dans les journaux. Ce sera une rentrée dans le monde. » Puis, résolument, « Conduisez-moi. » La champenoise ne souffla plus mot et prit le chandelier. En ce moment, le nain rentrait. « Ah ! » fit Laura. « Voilà le basquir. » Elle tenait d'une main son sac et de l'autre ses revolvers. Elle eut un éclair de prudence. « Voyez-vous, bonne femme, » dit-elle tout haut, « ceci est le passe-partout du voyageur. » Elle parlait de ses armes. « 12 coups à tirer, c'est 11 de trop pour tuer son homme. »« Madame, » dit gravement la paysanne, « on ne tue pas les sous-traits. » Le nain parut prêter au revolver une attention que justifiait sans doute l'éclat des garnitures étincelant à la lumière. Il se mit en poussant des gémissements joyeux à examiner attentivement les armes. La comtesse les tendit vers lui d'un air enjoué. L'avorton lui flaira avec défiance, mais il n'y toucha pas. « On dirait qu'il sait que c'est dangereux, » dit la voyageuse. « Il devine ce que c'est que la poudre, et il ne touche jamais au fusil de chasse de mon défunt, » dit la champenoise. « Les hommes manqués, » observa Laura, « ont des instincts de fauve. J'ai déjà observé un idiot qui redoutait les armes à feu. Allons, guidez-moi, et ne tremblez pas comme ça, ma bonne amie. Si vous entendez un coup de feu cette nuit, bénissez votre sainte. Le sous-trait aura vécu. Vous pourrez venir voir comment il le fait. »